et ma fierté, mais t'as pas su rester ma petite moitié. Je t'ai aimé, t'as dégoûté, je ne peux que regretter. Je t'ai aimé, t'as dégoûté, je ne peux que regretter. T'as été ma renaissance, en moi tu m'as donné confiance. T'as été mon premier amour, je t'aurais dit oui pour toujours. T'as été ce soleil qui m'illuminait chaque jour. Tu m'as donné la joie de vivre et aussi la peur de mourir. J'aurais pu donner mes larmes juste pour te voir sourire. J'ai imaginé le bonheur et jamais pensé souffrir. Penser aussi des phases, j'aurais jamais cru écrire. Avec toi je voulais meilleur et j'ai reçu ce qu'il y a de pire. J'ai parti avec mon cœur, avec des cons et des amis. Tu m'as niqué ma vie, ça je pourrais pas pardonner. T'as été celle que je voulais, mais tu m'as trop bien roulé. Moi je t'aimais, j'aurais pu tout te donner. Une famille, un foyer, pourquoi t'as tout gâché? Des conneries j'ai excusé, toi tu m'as offensé. J'avais les yeux qui brillaient, toi tu me les affrançais. Moi c'est la vie qui me pèse, quand toi tu te fais défoncer. Moi j'ai niqué ma jeunesse, mais tu t'en fous de toute façon. Si un jour tu redis nous, je te redirai sans façon. T'étais celle en qui je croyais, à qui j'ai fait des enfants. Tu laisses un père en galère et tu te dis bonne maman. Aujourd'hui que des regrets quand je repense à avant. Quand on marchait dans la rue, main dans la main, on se disait que demain ça serait trop bien. Aujourd'hui je pleure car j'ai été trop crétin. Trop con j'ai été, t'as été ma fierté, mais t'as pas su rester ma petite moitié. Je t'ai aimé, t'm'as dégoûté, je ne peux que regretter. Je t'ai aimé, t'm'as dégoûté, je ne peux que regretter. Trop con j'ai été, t'as été ma fierté, mais t'as pas su rester ma petite moitié, ma petite moitié. C'est pas fini, non, non, c'est pas fini. T'as trop mis la dose. Y'a encore autre chose, encore autre chose. Trop quand j'ai été, t'as niqué ma fierté. J'ai honte que t'as été ma petite moitié. Je t'ai aimé, tu m'as baisé, tu voulais me rabaisser. Tu ne me feras plus saigner, tu ne me feras plus saigner. Ça te fait être une intro, mais des choses à dire y'en a trop. Dans mon cœur y'a trop de trous, t'as mis des pattes dans mes roues. Tu m'as dégoûté d'amour, j'ai même songé à la mort. Pleurer les larmes de mon corps, mais t'en vaux vraiment pas le coup. Tu m'as poussé à bout, trop sans passer par ton cul. T'as fait des trucs de fou et tout ça ne s'effacera plus. Moi j'ai des envois avec toi et c'est pour ça que je pleure. C'est quand je pense à nos petits que j'ai le plus de douleur. T'as rendu ma vie noire quand elle était toute en couleur. Je pourrais plus pardonner, je te l'ai dit tout à l'heure. Mes enfants je les aime, je ne veux pas leur malheur. Mes enfants ils m'aiment, ils ont besoin de leur père. Mais ça apparemment, t'en as rien à faire. Tu ne vois pas plus loin que ton beau derrière. T'as été ma première, mais tu as été la pire. Aujourd'hui c'est ta faute si l'amour me fait peur. Mais t'inquiète, Eniseo, ne perds pas espoir. Je vais même te remercier de m'avoir rendu plus fort. Je vais même te remercier de m'avoir rendu plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Trop con j'ai été, t'as été ma fierté, mais t'as pas su rester ma petite moitié. Je t'ai aimé, t'm'as dégoûté, je ne peux que regretter. Je t'ai aimé, t'm'as dégoûté, je ne peux que regretter. Trop con j'ai été, t'as niqué ma fierté. J'ai honte que t'as été ma petite moitié. Je t'ai aimé, tu m'as baisé, tu voulais me rabaisser. Tu ne me feras plus saigner, tu ne me feras plus saigner. Tu m'as cassé, tu m'as baisé, mais tu vas payer, tu vas payer. Ouais, ouais, la retourne, la retourne, la retourne, la retourne, la retourne. Ouais, ouais, ouais, ouais.